La légende de Noël. Le problème, c'est que je n'avais jamais vu de rossignol. Maman en connaissait des tas de choses et avait déjà fait des centaines de jouets oiseaux. Pour ne pas éveiller ses soupçons, j'ai agi alors que j'épluchais les navets pour le ragoût. Tu as déjà vu un rossignol ? Oui, pourquoi ? Comme ça. Okyo m'en a parlé. Okyo ? Oui, le fils du maître instructeur. Tiens. Mais il est toujours seul, dans son coin, à travailler, même pendant la récré. J'ai rien fait de mal. Et tu crois qu'un dessin lui ferait plaisir ? Trop. Pendant que le dîner mijotait, maman dessina. Avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. En un rien de temps, l'oiseau fut terminé, me donnant l'impression qu'il pouvait s'envoler à tout moment. Lorsque maman fut endormie, je me suis glissé dans l'atelier. À l'aide de son dessin, je n'eus aucun mal à fabriquer le cadeau d'Okyo. Deux nuits plus tard, j'avais une réplique parfaite de l'œuvre de maman. J'aurais tellement aimé lui montrer. Le lendemain, à peine réveillé, je n'avais qu'une envie, que la nuit arrive. Je n'ai pas vu la journée passer. Mais la nuit venue, seul dans les rues du village, le cadeau caché sous ma cape, le doute me frappa. Je savais où habitait Okyo, mais je ne savais pas où il dormait. Et si je me trompais de chambre ? Et si son père me découvrait ? Et si la maison était gardée ? Et s'il y avait un molosse capable de me traquer ? Heureusement pour moi, il n'y avait aucun garde, encore moins de molosse. Mieux encore, la chambre d'Okyo était allumée. Malgré l'heure tardive, il travaillait encore, alors que son père dormait. Il méritait vraiment ce cadeau. Je me suis couché le cœur léger. Le lendemain, au petit déjeuner, notre porte d'entrée explosa. Pahu entra, flanqué de 3 gardes armés. Il pointa un index rageur sur maman. Laja, vous êtes accusé de haute trahison. Comment ? Mais je n'ai rien fait. Je travaille sans relâche au chantier. Visiblement, vous trouvez le temps pour faire ça. Pahu jeta à ses pieds les restes du rossignol d'Okyo. C'est moi le responsable. Noël, tais-toi. Ne sois pas ridicule, petit. Seule ta mère est capable de créer une telle horreur. Mais c'est vrai. Noël. Plus un mot, gamin, ou tu vas le regretter. Emmenez-la. Je me suis interposé, mais l'un des gardes me gifla. J'ai volé à l'autre bout de la pièce. Ma tête percuta violemment le mur avant que je ne tombe comme un vieux sac. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes ne me portaient plus. Tout devenait flou. Et puis, j'ai senti maman se jeter sur moi, me prendre dans ses bras et me murmurer avant que je ne sombre. Je suis si fière. N'abandonne pas. Comment Noël va-t-il sauver sa mère et son village ? Vous le saurez bientôt en écoutant les prochains épisodes.